Chapitre 10e. Pendant que cette scène se passait à la conciergerie, Bibert s'était dirigé vers le palais de justice et avait fait demander à M. Gourbet de vouloir bien le recevoir. Cordier, le petit homme sec que nos lecteurs se rappellent peut-être et qui remplissait auprès de M. Gourbet les fonctions de greffier, vint savoir ce que désirait Bibert. « Je voudrais, dit l'agent de police, entretenir un instant M. le juge d'instruction de l'assassinat de la rue de la Paix. « Ah, vous nous apportez des nouvelles, » fit Cordier en se frottant les mains. « C'est possible. Des bonnes, vous verrez. » « Attendez quelques minutes alors. Monsieur le juge d'instruction expédie une affaire importante. Dès qu'il sera libre, je le préviendrai de votre visite et je pense qu'il vous recevra. »« J'attendrai, » dit l'agent de police. Le petit homme s'éloigna en glissant au lieu de marcher, suivant l'habitude que nous avons déjà constatée. Lorsqu'une demi-heure après, Bibert fut introduit dans le cabinet du juge d'instruction, les premiers mots que lui adressa M. Gourbet furent ceux-ci. « Eh bien, vous apportez des preuves, c'est décidément Savary. »« Non, monsieur le juge, » dit Bibert en soupirant, « ce n'est pas lui. »« Comment ? Vous et Madame Vidal étaient si sûrs de votre fait. Nous nous trompions, monsieur. »« La dernière fois que je vous ai vu dans mon cabinet, vous prétendiez que votre conviction se fortifiait de jour en jour. »« C'était vrai, les temps ont changé. » Vous étiez venu me demander, je crois, de vous autoriser à prendre en greffe une des pièces de conviction, le couteau avec lequel la victime avait été frappée. On me l'a délivré. Ne devait-il pas vous servir à faire une expérience décisive ? Oui, monsieur, et je l'ai faite. Elle n'a pas réussi, elle a réussi imparfaitement. Expliquez-vous, je vous prie. Je veux dire, reprit Bibert, que cette expérience a pendant un instant, je l'avoue, ébranlé mes convictions. Mais depuis, après mûre réflexion, je me suis surpris à croire encore à la culpabilité d'Albert Savary. Il ne s'était pas troublé à la vue du couteau, non, mais cela n'indiquait rien. Au milieu d'une scène violente, dans un moment de colère et d'emportement, il pouvait s'être emparé du premier objet qui lui était tombé sous la main, en avoir frappé Maurice Vidal, avoir rejeté son arme avec horreur et s'être enfui. Il était dès lors possible que la vue de ce couteau ne lui rappelât de prime abord aucun souvenir, ne lui fit aucune impression. Mais vous êtes trop habile pour n'avoir pas trouvé moyen de lui dire le nom de la victime qui avait été frappée avec cette arme. Oui, je lui ai parlé de Maurice Vidal. Alors ? Alors il s'est attendri sur le sort de ce jeune homme qu'il avait connu. Il a pleuré sur sa mort et il a eu l'intelligence de mêler ses larmes à celles de sa veuve. Vous avez dit, il a eu l'intelligence ? Oui, monsieur. Donc, selon vous, Albert Savary jouait une comédie ? Non, monsieur le juge d'instruction, je faisais allusion à autre chose. Vous admettez que ces larmes aient pu être naturelles, parfaitement. Vous pensez alors qu'elles étaient causées par le remords? Le remords pouvait aussi les avoir fait couler. Tout cela est de plus en plus vague, vous en conviendrez. Nous ne sommes pas plus avancés aujourd'hui qu'il y a 3 mois. Pardon, monsieur le juge. Je vous apporte le nom du meurtrier de Maurice Vidal. Vous dites? Je connais maintenant l'assassin que vous cherchez. Vraiment? S'écria monsieur Gourbet. Oui, monsieur, il s'appelle Langlade. Langlade? Ce nom ne m'est pas inconnu. N'est-ce pas celui d'un forçat? En effet. J'ai eu à m'occuper de cet homme. Il s'est sauvé en dernier lieu du bagne de Brest. Il est à Paris depuis 3 mois et la police le recherche sans pouvoir le trouver. On a découvert sa demeure depuis hier et je l'ai arrêté ce matin. Il est en ce moment à la conciergerie. Je vous fais compliment de cette arrestation. Bibert s'inclina. Et, continua M. Gourbet, c'est Langlade qui aurait assassiné Maurice Vidal? Qu'est-ce qui vous le fait supposer ? Bibert raconta au juge d'instruction les détails de l'arrestation du forçat et lui fit part des aveux obtenus de soleil couchant. « Oui, dit le juge d'instruction lorsque Bibert eut fini de parler, nous avons enfin trouvé l'assassin grâce à votre perspicacité. »« Oh, monsieur, répliqua Bibert, ne parlons pas de ma perspicacité, elle est en défaut au contraire, c'est le hasard seul qui m'a servi. »« Quoi qu'il en soit, vous devez être enchanté du résultat obtenu. » »« Non, monsieur. » Parce que vous aviez soupçonné Savary et que vous êtes trompé, affaire d'amour-propre. S'il s'agissait de mon amour-propre, j'en ferais bon marché, murmura Bibert sans que M. Gourbet l'entendît. Mais c'est plus grave pour moi, ajouta-t-il en soupirant. Pendant ce court monologue, le juge d'instruction s'était retourné vers son greffier et lui avait dit « Monsieur Cordier, donnez-moi, je vous prie, le procès-verbal de l'interrogatoire subi au mois d'octobre dernier par le prévenu Albert Savary. » Vous devez en avoir une copie. Oui, monsieur, fit le petit homme sec. Il se glissa vers une longue rangée de cartons verts posés sur des tablettes. Il en prit un sans hésiter, l'ouvrit et en retira un dossier qu'il remit au juge d'instruction. Un automate n'aurait pas exécuté ce mouvement avec plus de précision. Au bout d'un instant de lecture, M. Gourbet se tourna vers Bibert et lui dit « Langlade est coupable. Nous ne pouvons concevoir le moindre doute à ce sujet. Et cependant, voyez comme la justice peut facilement s'égarer. Beaucoup de mes collègues, et des plus consciencieux, des plus prudents, auraient trouvé dans cet interrogatoire, que je viens de relire avec soin, 10 raisons pour conclure à l'envoi de Savary en cour d'assises. Je ne vous en citerai qu'une, ses billets souscrits à Maurice Vidal et trouvés chez le prévenu. Vous expliquez-vous cela ? Oui, dit Bibert, si Savary les a payés, comme il le soutient. Mais il découle de tout cet interrogatoire, fit observer le juge d'instruction, qu'il ne peut les avoir payés. Il n'a jamais eu de sa vie 50 000 francs entre les mains. N'assura-t-il pas les avoir gagnés dans les différents jeux d'Allemagne ? Et vous croyez à cela ? En fait de jeu, je crois à tout. Alors il ne vous inspire plus aucun soupçon ? Demanda M. Gourbet. Mon Dieu, monsieur le juge, répliqua Bibert, j'ai la mauvaise habitude de me rendre à l'évidence. Quel intérêt du reste peut avoir Langlade à raconter qu'il a assassiné un homme ? Mais il ne nomme pas cet homme. Sa maîtresse le désigne suffisamment. Aucun d'eux ne précise la date du crime. Chacun la fixe à peu près, répliqua Bibert. M. Gourbet réfléchit encore un instant et dit « Et ces mots écrits, avec le sang de la victime, mon assassin sape. Comment les expliquer si Langlade a commis le crime ? Maurice Vidal ne pouvait connaître ce forçat. » « Cette objection est des plus sérieuses, je l'avoue, » répondit Vibert. « Je me la suis déjà faite, et je crois l'avoir résolue. » Avant d'aller au bagne, Langlade vivait à Paris et y était fort connu de tous les jeunes gens d'un certain monde. On ne lui serrait pas la main, bien entendu, on se serait bien gardé de le saluer, on ne lui parlait même pas, car il a toujours été horriblement commun. Mais on le lorgnait, et on s'informait de son nom, lorsqu'il arrivait dans quelque lieu public en compagnie de soleil couchant. Comment ce couple n'aurait-il pas attiré les regards ? D'un côté, une espèce de colosse, de l'autre, une fille splendide, au regard effronté, aux cheveux d'une couleur étrange. Langlade eut ainsi, pendant un instant, une sorte de célébrité. Et je me souviens qu'un soir de première représentation dans un théâtre des boulevards, un titi l'interpella de la sorte. « Où est Langlade ? Où qu'est Tarousse ?» Il n'est donc pas étonnant, monsieur, dit Vibert en terminant, que Maurice Vidal ait reconnu son assassin et a voulu le désigner à la justice. « Oui, répondit le juge d'instruction, votre explication est naturelle. Du reste, ajouta Vibert, il est facile de résumer toute cette affaire en deux mots. Y a-t-il eu une autre personne assassinée dans la rue de la Paix au mois de novembre dernier ? Non, vous le sauriez, monsieur. Tout le monde le saurait. Donc Langlade est coupable. Savary est innocent. Je ne crois pas qu'il y ait moyen de sortir de là. « Je ne dis pas le contraire, » répondit M. Gourbet, « mais nous avons erré si longtemps qu'il est bien permis d'hésiter encore. Vous n'hésiterez plus, monsieur, quand vous aurez interrogé Langlade et sa maîtresse surtout, car il est possible que Langlade refuse de répondre à vos questions. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas le caractère toujours commode. Vous pourrez vous en convaincre. Ah, Savary vous eût donné moins de mal. J'aurais beaucoup désiré qu'il fût le coupable pour vous, monsieur, pour monsieur le procureur impérial. » Pour messieurs de la cour et pour moi, ajouta-t-il plus bas, en soupirant. Allons, dit le juge d'instruction, qui se leva afin d'indiquer à Vibert qu'il était temps de se retirer. Vous ne voulez décidément pas vous consoler de vous être trompé sur le compte de Savary. Je l'avoue, monsieur, je ne m'en consolerai jamais. Ce sera le malheur de toute ma vie. Il salua et sortit.